Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Débat Comics. Alors aujourd'hui on reprend la nouvelle formule qui est les news et je suis bien accompagné. J'ai Baptiste avec moi. Salut tout le monde. Alias Dorothée. J'oublie Dorothée. À chaque fois. Dorothée. Putain, Dorothée. Pourquoi Dorothée, je sais pas. Hein, club Dorothée, tout ça, c'est ta génération. Enfin, pas trop, mais... Non, celle de début parfois. Qui arrive, oui. Et bonsoir, oui, c'est moi le vieux, je suis là. Et pour terminer, j'ai notre expert de Berserk qui branle à chaque apparition de Griffith, notre ami à tous, Adrien. Salut à tous. Et donc, comme d'habitude, on va parler de news comics, manga, pop, et on va essayer d'en parler ou pas, et puis on va commencer tout de suite par les news comics. Alors, on commence cette émission avec les news comics, et je voulais parler de l'hommage que va faire Todd McFarlane à Chadwick Boseman dans le Spawn numéro 311, où il nous fait une magnifique variant cover avec Spawn démasqué qui fait le signe du Wakanda Forever, et avec ça il a rajouté un texte qui sera à mon avis en préface du comics, et je trouve cet hommage très très sympathique. Surtout que mon Todd McFarlane était un scénariste et dessinateur chez Marvel il y a quelques années, avant qu'il parte chez Image Comics, et j'adore. Franchement, c'est ce genre de petit hommage pop culture que j'adore énormément. Et voilà, je pense que même ça va être le dernier hommage avant un petit moment pour sur Chadwick Boseman. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bon, c'est sympathique et tout. Après, moi, je ne suis pas trop l'univers comics, mais c'est vrai que c'est quand même un bel hommage. Ouais, voilà, pas mieux. D'accord, ok. Très bien. Et ben voilà, c'était la petite news. On a sorti les violons la dernière fois sur le grand podcast, oui, c'est cool, c'est sympa. Maintenant, voilà quoi. Hein. Ouais, show must go on, comme ils disent. Ouais. Bon, ben, next, vas-y, Baptiste, avec ta news. Ouais, il faut savoir qu'à partir du 25 novembre, les Français pourront avoir le coffret de l'Infini, chez Marvel, qui contiendra les 23 films du MCU sortis au cinéma. Du coup, en Blu-ray 4K de Iron Man jusqu'à Spider-Man From Home, pour la maudite somme de 400 euros. Voilà, donc des Blu-ray 4K plus les Blu-ray normales avec une lettre de Kevin Feige, le président de Marvel Studios, une lithographie du dessinateur et une belle boîte pour ranger la fresque que feront tous les DVD à partir du 25 novembre. Les gars, ce genre de coffret, ça vous plaît ou... Alors, le coffret, ouais, mais alors 400 balles. Ben, 400 ouais, balles, c'est pas si cher que ça. C'est cher à sortir d'un coup. Parce que j'ai regardé, si tu divises rien que le prix des Blu-ray, par rapport à la quantité, ça te fait à peu près 16 euros le Blu-ray, 4K. D'accord. Ouais, donc du coup. En termes de prix, c'est correct. C'est juste que d'un seul coup, c'est cher. Ouais, c'est ça en fait. Mais du coup, il y a un joli packaging ou un truc comme ça? Ouais, en fait, c'est du coup. Ils ont tous le coloris du coup du film qu'ils auront. Par exemple, si tu prends Iron Man, il sera plus rouge avec marqué en gros le titre au milieu. Et ils vont tous reprendre du coup les coloris des films qu'ils représentent. Et quand tu les mettras tous sur le côté, ça fera une grande fresque avec tous les héros, avec Thanos et le gant de l'infini en fond. D'accord. Bah, moi, j'ai un peu une frustration vis-à-vis de ces trucs-là parce que à l'époque du premier ou deuxième Avenger, je ne sais plus, je crois que c'était du premier, il devait sortir un coffret avec un Tesseract, tu vois, avec une valise et tout ça, là, comme dans le film, en fait. Ouais. Et il est jamais sorti. Il est vraiment jamais sorti. Et j'étais bien dégoûté parce que justement, c'était un moyen d'avoir tous les Blu-ray avec un joli version collector. Et du coup, là, c'est quoi? C'est juste un. Enfin, ouais, c'est genre façon comics, mais il n'y a pas de packaging plus. Et je crois que si, tu as quand même un coffret où tu peux les ranger tous ensemble, il me semble, non? Oui, oui, tu as un coffret. Ils sont tous dans un grand coffret. Et en fait, le coffret, tu peux un peu le déboîter, mais tu peux le surélever pour faire comme une fresque. Bah, ouais, d'accord, ok. C'est ouais, pas parallèle au sol, mais un peu entre les deux, quoi. Et du coup, sur toute la longueur avec la bordure des DVD, des Blu-ray, du coup, ça te fait la fresque, du coup, avec les Avengers et Thanos. D'accord. Mais voilà, t'as pas de vrais goodies à part ça, quoi. Si t'as une lithographie, t'as vite fait les trucs signés, quoi. Et une boîte en plexi que tu mets dessus pour protéger de la poussière. Ouais. Voilà. Cool. Ouais, c'est que les DVD et les bourrés, quoi. T'as pas vraiment de goodies à côté. Et tu sais quoi, c'est ça que je trouve ça bien dommage, parce qu'à une époque, la Fox, ils nous avaient sorti une pseudo-intégrale des X-Men, bon, ça remonte à un petit moment, et au-dessus, il y avait le casque de Cérébro qui trônait, et en fait, à ce prix-là, tu vois, je m'attendais à une petite statuette, quelque chose un peu plus limité que 24 bourrés, quoi. Oui, c'est sûr que... Ouais, je crois que tu as des bonus, des trucs comme ça, tu vois, sûrement des interviews ou des... Oui, je crois que tu as l'équivalent, tu as les 23 films et à côté, tu as deux Blu-ray complets de bonus. En plus des bonus indépendants à chaque film. Mais bon. Après, voilà, ça veut dire qu'aussi dans le prix, tu as quand même le premier Iron Man qui est sorti en 2008, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont aussi bien en DVD ou en Blu-ray, quoi. Avec tous les différents coffrets qu'ils ont fait à chaque fois qu'ils ont sorti les Avengers. Et pareil, tu vois, ils ont sorti le gros coffret pour Star Wars avec les 9 films, qui était à 300-350 €. Pareil, tu vois, c'est des très jolis coffrets, tu vois. J'ai ce type de coffret avec les 50 ans de James Bond, mais c'est pas... Putain, je trouve ça cher, quoi. Je trouve ça excessif. Ouais. Bon, ça va, le coffret James Bond, c'était pas moi qui l'avais payé, mais bon, je trouve ça cher quand même. Oui, c'est sûr que ça fait une sacrée somme à sortir pour un seul coup, quoi. Après, on peut toujours le demander à Noël, ils le sortent au bon moment. Et il fouille, voilà, sortent au bon moment. Je crois qu'il était sorti l'année dernière aux États-Unis, du coup, c'est vraiment à partir du 25 novembre en France. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le coffret. Dépenser de l'argent. Dépenser, ouais, c'est pas faux. Je trouve que ça fait un petit flop là, nos News Comics. Je vais voir si la dernière est un peu mieux. Donc il y a la semaine dernière. T'as pas pris les spécialistes là quand même. Hein. Je sais, mais bon, attends. Là j'ai une news. Elle devrait tous vous plaire à mon avis. Vas-y, fais-nous rêver. Vas-y. Les propos de Gary Conway, qui est un grand scénariste de comics, qui a donné son opinion sur l'industrie des comics books et qui a dit en gros qu'il fallait tout annuler, toutes les séries de A à Z. On repartait à zéro, mais quand je dis à zéro, c'est vraiment à zéro, parce qu'il voulait faire quelques petites séries pour adolescents avec. Pour ça, un minimum de connaissances sur le personnage. Donc, on peut repenser peut-être à une origin story, retravailler en simplifiant extrêmement la chose pour éviter de connaître tout le lore des comics. Et pour les vieux lecteurs, ils proposent de faire des graphic novels pour des lecteurs un peu plus expérimentés. Quand même assez inédit comme proposition d'un grand scénariste américain, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est du nouveau. C'est vrai que bon, on a rarement des trucs comme ça, quoi. De ce genre de proposition. Puis bon, l'avantage de faire ça, c'est qu'il pourrait peut-être apporter de nouveaux lecteurs, parce que bon, les gens n'auraient plus peur de lire des comics, parce qu'ils n'auront pas besoin de connaître 50 ans d'histoire. Ouais, dans un sens, c'est intéressant, quoi, pour les nouveaux lecteurs, après. Ouais, c'est surtout ça qui fait le plus du truc, quoi. Et Nebu, toi, ça te fait pas fantasmer ce genre de choses ? Ouais, non. On verra. Vous m'en parlerez quand ça arrivera. Voilà. Si ça arrive. Bon, ben, après cet énorme flop, je propose qu'on passe au niveau des news de manga. Et nous voici déjà sur cette deuxième partie où on va parler de manga. Je vais laisser à notre spécialiste Adrien la parole pour sa première news. Et oui, donc moi la news ça va être de Glénat qui ont enfin annoncé la sortie en librairie donc du premier volume de Burn the Witch, donc le spin-off de Type Kubo de Bleach, donc qui sortira le 17 février 2021. Donc c'est l'annonce qu'ils ont fait cette semaine sur ça. Et ils ont aussi du coup annoncé la date de diffusion de Burn the Witch aussi, donc le spin-off qu'ils avaient fait il y a un petit moment. Donc il sortira sur Crunchyroll à partir du 2 octobre, donc demain. Donc voilà la news sur Burn the Witch, sachant qu'il y aura peut-être deux versions en fait. À regarder. Il y aurait une version un peu genre cinéma qui durerait tout comme un film en fait, mais alors elle serait pas diffusée en Europe mais uniquement au Japon et apparemment sur Prime Video. Et Crunchyroll diffuse donc du coup ce coup-ci Burn the Witch mais en 3 épisodes en fait sur la version Crunchyroll. Donc je sais pas trop comment ça va être diffusé chez nous. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les deux versions ou pas? C'est un peu la question que je me pose. Sachant qu'apparemment, il y a une légère différence, mais bon, je pense que c'est vraiment juste le découpage, peut-être qui est arrangé un peu, mais voilà. Alors, sur ces news, deux choses. Pour répondre à ta question, je pense que le film sortira peut-être sur Prime Video, pour ceux qui ont Prime. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça va être super sympa, je vais pouvoir le regarder. Et deuxièmement, Burn the Witch, c'est une mini-série, on dit chapitre, non? En fait, si tu préfères, il y a eu un premier spin-off qui était sorti de Burn the Witch. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir avoir à la version cinéma. Et depuis quelques temps, sur le Wiki Shonen Jump, il y a du coup effectivement des chapitres qui sortent régulièrement. Je crois qu'il y en a à l'heure actuelle 4, je crois, qui sont sortis, peut-être plus. Donc je pense que c'est ça qui va être après paru, être en parution au mois de février prochain. Et ouais, là, honnêtement, j'ai la hype, quoi. Il me tarde de voir ça, quoi. Vraiment. Ouais, ouais, en plus, surtout que l'univers est super intéressant parce qu'on n'est plus trop donc niveau Shinigami, Soul Society, tout ça, mais on est vraiment, enfin même si on reste dans le même univers, déjà ça va se passer à Londres. Dans un Londres alternatif, parce qu'en fait, tu comprends dès le début que Londres, en fait, il y a une partie cachée de Londres, en fait, qui est comme un monde un peu alternatif, fantasy, où les sorciers, les sorcières existent, ainsi que des dragons. Et des dragons, en fait, tout va se passer autour d'eux, parce que tu as des dragons qui sont, entre guillemets, domestiqués et qui vont te servir à produire de l'électricité, et à la vie des tissus et tout ça. Et donc tu vas suivre en fait deux sorcières qui font partie d'un groupe d'élite qui cherchent en fait, qui vont empêcher les dragons maléfiques de répandre la terreur sur le monde en fait. Donc voilà. Ok, ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air cool. Voilà. Ouais, parce que du coup, en fait, c'est le même univers. Donc, à mon avis, tu vas sûrement avoir des clins d'œil, sûrement à l'univers de Bleach. Mais ils reprennent pas du tout le même sujet et le même endroit. Donc, c'est cool. Et ça va être. Et ça se passe 2 ans après le dernier chapitre de Bleach. De Bleach, ouais. Ok, bah c'est cool parce que, enfin, tu vois, genre, par exemple, moi, j'ai pas du tout suivi Bleach. Et là, quand tu m'en apparaît, ça m'a vraiment donné envie et c'est cool de pouvoir le lire sans avoir les prérequis de Bleach derrière, quoi. Ouais, carrément, en fait, c'est juste ça, parce que je pense que peut-être que tu croiseras peut-être des persos ou t'en entendras parler ou ça sera juste un peu subjectif, tu vois, mais t'as pas besoin de connaître tout leur passé pour lire et apprécier le manga parce que Burn the Witch, tu connais pas du tout, enfin, c'est vraiment un nouvel univers, quoi. Ça, c'est cool, franchement. Ouais, et puis bon, en plus, t'as quand même, en plus, on a la patte quand même du mangaka de Taite Kubo qui est là, quoi, qui est présente. Enfin, il a de l'expérience et ses dessins sont toujours aussi bons, donc c'est cool. Donc voilà, et puis ça diffère un peu de ces suites de mangas qu'on a l'habitude de voir depuis quelques temps. Donc, voilà. C'est vrai que au niveau des mangas, quand tu prends des spin-offs, On peut parler de DBS, donc de Dragon Ball Super. On peut parler de Boruto. Boruto, surtout. On peut parler de Fairy Tail. Si tu connais pas le lore, t'es mort. Ouais, surtout. Encore Boruto, tu peux te dire, bon, t'arrives sur une situation qui a quand même évolué depuis Naruto, tu vois. Puis ils te font découvrir des nouveaux persos. Mais genre, Fairy Tail, c'est mort. Hein. Si tu veux regarder le spin-off ou lire le spin-off, donc c'est la quête des 100 ans, si tu sais pas ce que les persos avant, t'es mort. Enfin, c'est un des spin-off, mais ouais. Spin-off, mais c'est un des plus gros, c'est celui qui est en train de te sortir en ce moment. Et ouais. Du coup, moi, j'ai une petite news qui ne va pas faire plaisir. C'est pour toi, Adri, tu peux sortir ton mouchoir. Pour Nico, s'il nous écoute, il peut aussi sortir son mouchoir. C'est la fin de Beastars. Ça a été annoncé, ça se termine fin octobre. Donc voilà, je n'ai pas commencé la série. J'ai essayé de regarder l'animé sur Netflix, ça ne m'a pas plu. J'ai pas accroché. Ouais, je suis plutôt comme toi. J'ai tout regardé hein, parce que je passe beaucoup de temps derrière mon écran, mais... Ouais, comme toi. Ah, moi j'ai bien aimé, moi franchement j'ai bien kiffé. Je les ai achetés, je les ai pas encore lus moi. Donc va falloir que je les lise. Lis-les. Oui, mais j'aime préférer lire que les matins en général, les animés, enfin les mangas en général. Ouais, franchement, l'animation de Netflix là, est vraiment, vraiment bien fait. Et ça reprend bien le bouquin, donc c'est cool. Ah, j'en doute pas, c'est juste que personnellement je préfère les lire. Oui, bien sûr, je comprends. Je les ai, je crois que j'ai les 12 premiers peut-être. Combien j'en ai acheté. Ouais. Mais okay. C'est sur ma liste de lecture, quoi. Alors, pour information, les 12 premiers, tu les as tous, du coup. Parce qu'il n'y en a que 12 qui sont sortis en France. Ah, bon, ben voilà. Donc. Pour info, au Japon, ça devrait se terminer au 21e ou 22e tome. Et puis voilà. Et j'ai. Voilà. Mais écoute, je suis presque ravi parce que du coup. J'ai plein de séries comme ça qui vont se finir aux alentours des 20-25 tomes, tu vois. Et c'est vraiment sympa. Ça va pouvoir me permettre, maintenant que j'ai recommencé quelques nouvelles séries, de me dire, OK, c'est bon. Il y en a quelques-unes qui vont enfin s'arrêter. Après, je trouve que si un manga arrive à trouver le juste milieu entre la fin et l'histoire qu'il veut raconter, 20 tomes, c'est propre. Hein. En fait, c'est tomes. Exactement ça. Ouais. 20 tomes, 20-25 tomes. À la limite, 30 tomes, ça commence déjà à faire, mais 20-25 tomes, tu vois, moi, je trouve que si, en fait, le mangaka n'a pas reçu de pression ou a vraiment fait son truc, genre, de A à Z, comme il voulait, comme il souhaitait, et sans échéancier ni rien, et qu'il puisse le finir dans cette tranche de tomes, ben moi, je trouve ça génial, tu vois, parce que, du coup, c'est pas des grosses séries, tu peux facilement, du coup, passer d'une série à l'autre... Promise Neverland, ça va être à peu près ça. Ça va bientôt se finir dans ces tomes-là, à peu près. Du coup, t'as Beastars qui va se finir comme ça. Là, j'ai... Demon Slayer aussi, qui termine dans les 20 tomes, je crois. Slayer, ouais. Ouais, 20... Qui termine 20... au Japon, mais... Ouais, 28, je crois, mais ça va. Tu vois, c'est encore en dessous des 30, donc ça va. Il y a Rikudo aussi, que je lis, qui est un manga de boxe. Ça se finit au tome 22. Donc... Je pense qu'on en avait discuté un petit peu sur le dernier gros podcast, mais je pense que cette période des séries fleuves et tout, c'est un peu fini, quoi, tu vois. Ouais. Genre, déjà, ne serait-ce qu'en animé, à part le survivant One Piece qui va du coup bientôt finir, t'as quasiment plus aucune série qui est en continu, tu sais. Où t'as un épisode qui sort par semaine. Maintenant, c'est vraiment un système de saison. Et ce qui fait qu'on on s'économise les hors-séries tout moisies qui étaient là pour combler les retards et les manques par rapport à la publication. Ouais. Et je trouve que c'est pas plus mal aussi. Au final, ça crée une petite... puis ça fait une hype aussi. Tu vois, ouais, t'es dans une petite attente, machin. Sais. Voilà, exactement. Moi, je, en vrai, je préfère, et c'est vrai que c'est quand même un, on va dire une petite révolution qui se met petit à petit, enfin qui c'est pas une révolution véritablement, mais en tout cas c'est arrivé doucement et maintenant c'est devenu la norme quoi. Ouais, c'est voilà, c'est une nouvelle norme, c'est un nouveau format qui est sorti et moi je suis comme toi, moi j'adhère à 100% aussi. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux des mangas, même si on a toujours des mangas par exemple comme My Hero Academia, tu vois, qui je pense va être un peu dans la durée, tu vois, qui va être dans un manga dans la durée. Ouais, mais au final, le fait que ça s'inscrive dans ce système de... Je parle pour l'animé, hein. Ouais. Que ça s'inscrive dans ce système de saison, bah, ça fait que t'as pas des hors-séries moisies. Ouais. T'en as, enfin, tu vois, c'est sur un épisode, c'est pas des arcs complets ou des saisons complètes. On parlait de Bleach juste avant. Oh là là. Excuse-moi, Bleach, bon, bah, c'est le summum. Enfin, bon, non, c'est Naruto le pire. Non, mais c'est Naruto, quand même. Ouais, c'est mais Bleach, il y a quand même plein de hors-séries complètement moisies. Alors que les arcs principaux sont juste géniaux. Donc, ouais, et finalement, plus, saison, la longueur ouais. des arcs secondaires, ouais. Tu vois, des hors-séries, c'était un truc de fou. Bon alors, on juste quand même, pour qu'on le dise, l'exception qui confirme la règle, c'est Saint Seiya, les parties qui se passent dans le nord, là, avec les... avec les merde, ça y est, j'ai perdu le mot. Aidez-moi, comment ça s'appelle la deuxième saison de Saint Seiya qui se passe avec la mythologie nordique, c'est... Ah oui, d'accord. J'ai pas regardé. Ouais, mais c'est normal, toi t'étais pas né, donc... Ouais, j'ai regardé le premier titre. Déjà, Saint Seiya, tu connais, c'est déjà pas mal, mais... Bah ouais, Saint Seiya Hades, tout ça. Ouais, t'étais né en 2004, 2006 Merci, j'étais né quand même, oh. J'avais à début, j'avais 10 ans, mon gars. J'avais 2 ans, mais j'étais né. Voilà. Mais moi je me rappellerai toujours, franchement, ça m'avait choqué dans Bleach... le combat Ichigo contre Grimmjow, le combat final, il s'était arrêté, mais en plein milieu du combat, pour un arc hors série, d'une longueur pas possible. Ah ouais, non, oh là là, je t'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? En fait, on a encore digressé, mais tout ça pour dire que les grosses séries en 70-120 tomes, à mon avis, enfin, déjà économiquement, c'est plus viable, vu qu'on est dans une consommation... assez effréné, tu vois. Je pense que c'est de un, c'est plus viable, et de deux, c'est pas plus mal qu'il y en ait plus, quoi. Écoute, je crois qu'il y en a toujours deux qui survivent avec le temps. Donc, on a cité le premier, One Piece, mais il faut quand même citer le deuxième qui est extrêmement populaire au Japon, beaucoup moins en France, c'est Détective Conan. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah ouais, mais alors attends, là, tu parles d'un ancêtre, là. C'est... Il y a aussi Jojo Bizarre Aventure où il y a plus de 120 tomes. Ouais, même si c'est, mais ouais, mais partie, Jojo, ça fonctionne en série plutôt que. Ouais, enfin, oui, si t'as raison, c'est si en regardes, continuité, si mais c'est les, plutôt les des séries. Parties, quoi. T'as quand même 130 ou 140 tomes hein, depuis 86. Hein. Ah ouais. Je pensais pas autant, c'est ouf. Ouais. Ouais, mais je sais pas parce que c'est pas toujours les mêmes auteurs. C'est. C'est toujours Araki sur les. Je crois que sur les 8. Ah bon? Je crois. Hein. D'accord. Ouais, bon. C'est chaque fois, c'est des parties donc plus ou moins longues, mais à chaque fois, le même auteur est toujours dans le même, enfin toujours dans le même univers, quoi. Même si des histoires un peu qui, les époques changent, les pays changent, mais c'est toujours le même, je crois. Je vais quand même vérifier pour être sûr, mais. Pour information, Détective Conan, on est à 98 tomes au Japon. Hein, je parle bien publication japonaise. Et One Piece, je ne sais pas combien ils sont, mais ça doit être assez proche. One Piece, ils sont à 97. Et Jojo Bizarre Adventure, ils sont à 127. Ok. Bon, enfin voilà, c'est les survivants, quoi. Comme Ken. Vas-y Adrien, balance ta dernière news. Oui, ma dernière news, c'est on a des nouvelles de Berserk. Ah non, ça va être aussi, je crois, non? Ah ben 89, hein, mais bon, lui il est à 40 tomes quoi. Mais donc on a eu une news où. Enfin, une news d'une news, parce que la vraie news, il va y avoir une vraie annonce qui va être faite le 9 octobre. Donc. Dans un peu plus d'une semaine, à l'heure où on tourne, vu qu'on est le 1er octobre. Et on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, mais on a beaucoup, enfin il y a des grosses rumeurs où ça serait peut-être un remaster de un reboot de la série animée, en tout cas, parce qu'une suite ça serait peut-être compliqué, mais voilà, donc on aurait sûrement peut-être un nouvel animé Berserk qui va être produit et qui va sortir. Donc je suis hyper hype, forcément. Voilà. Et il sera un peu plus beau que le précédent ou... Moi, j'espère, ouais. Je pense que tout le monde espère ça. Et voilà, il y a même peut-être... Enfin, il y a des rumeurs qui traînent sur Internet disant que ce serait peut-être même Netflix qui pourrait le faire. Mais bon... Alors Netflix, donc pas trop. Hein, parce que voilà, faut autant se ils produisent plein de trucs, autant qualité graphique. Je sais pas si vous avez regardé Dragon's Dogma là. Ah non, mais j'ai pas voulu. Non. Bah, en plus, c'est même en pas... fait, c'est pas. Le problème, c'est que c'est pas naze. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est pas naze. Mais alors les dessins, c'est CGI, ils ont toujours le même studio là en CGI là qui avait fait un autre truc là de SF qui était plutôt pas mal aussi. Ouais, j'ai du mal quoi. Les rumeurs en fait, ça serait plutôt le studio de production qui fait Castlevania, tu vois, qui pourrait peut-être. Ah ouais, à la rigueur. Je me dis, si c'est Castlevania, ça va, tu vois, là, il y a du lourd. Ouais, ça passe, ouais. Ça passe mieux. Mais bon, c'est des rumeurs et des tweets de retweets, donc bon, voilà. À confirmer quoi. À confirmer, ouais. Mais en tout cas, voilà, on aura une annonce officielle le 9 octobre, donc. On pourra en parler lors de la prochaine émission. Tu fais du teasing pour la prochaine, c'est magnifique. Alors, moi, j'ai une dernière news. On en a parlé rapidement, enfin, on a évoqué le nom de cette série de manga qui est My Hero Academia. La saison 5 a été annoncée. Je m'attendais à une date comme juillet 2021, voire fin 2021. Et ben non, la saison 5 de My Hero Academia sortira en avril 2021 et elle sera toujours en streaming sur ADN. Donc voilà, je suis assez content de cette nouvelle, surtout qu'avec le Covid, je m'étais dit qu'on serait pas prêt à la voir. Ça vous fait quoi cette news quand même? Bah, je suis assez content parce que j'avais maté My Hero Academia pendant le confinement. Ça m'avait bien plu, même si j'ai commencé les mangas à l'époque. Et quand on avait vu le film ensemble, ben, ça m'avait vraiment encore plus chauffé. Et du coup, je suis content que la suite arrive bientôt. Enfin, bientôt. Ouais, surtout qu'en plus, la suite, c'est du grand n'importe quoi et c'est super. Faut que je lise le dernier tome, mais je ne l'ai pas encore lu, mais voilà. C'est du lourd. L'arc vilain, là, ça va être grandiose, je pense. Et eh ben écoute, sur ce, je pense qu'on va passer au niveau des news de la pop culture. La pop culture. Et nous voici déjà au niveau de la dernière partie d'émission. Et on va évoquer tout ce qui est news pop culture. Et je crois qu'on a tous des choses à dire. Et je vais commencer par la personne qui était la plus silencieuse de ce podcast, notre ami Nebu. Ouais! Alors! C'est à moi de parler. Alors, c'est à moi. Eh oui. Bon alors, donc on part, on enchaîne pop culture, on commence direct par du jeu vidéo. Moi, je veux vous parler d'un truc qui s'est passé la semaine dernière, enfin le 21 septembre. On va dire que les non-spécialistes ont été pris de surprise. On va dire que tout le monde a été pris de surprise, même si ça a circulé dans les couloirs depuis pas mal de temps. Mais en gros, c'est le rachat de ZeniMax par Microsoft. Donc, qu'est-ce que c'est ZeniMax ? ZeniMax, c'est la maison mère des studios Bethesda, ID Software notamment. Bethesda, on le connaît pour tout ce qui sont les licences Fallout, Elder Scrolls, et ID Software, c'est Doom, et un petit peu Bethesda aussi. Doom, Quake, etc. etc. Donc, effectivement, le fait que Microsoft rachète ça, c'est quand même un gros coup de tonnerre. C'est un peu, je le comparais moi, un peu comme Disney qui rachète la Fox il y a 2 ans parce que c'est vraiment un gros poisson, on va dire, et ça va permettre à Microsoft en fait de renforcer un truc qu'ils ont mis en place, c'est le Game Pass en gros. Alors vite fait pour expliquer, Microsoft met en place, enfin veut devenir une sorte de Netflix du jeu vidéo, où ils vont proposer, ils proposent déjà d'ailleurs, tout un tas de jeux vidéo en... Alors, c'est pas du cloud encore, hein. C'est vraiment là, vous avez accès à un catalogue en payant un abonnement et vous piochez dans ce catalogue pour installer le jeu chez vous et pour pouvoir y jouer à volonté pendant la durée, on va dire, comme sur Netflix, pendant la durée de partenariat ou d'exploitation sur le Game Pass. Sachant que vous avez accès illimité aux jeux Microsoft eux-mêmes, comme le Flight Simulator là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qu'on a testé avec Jeff d'ailleurs. Tout ça fait que du coup l'entrée de Bethesda dans le catalogue Microsoft, ça va faire qu'on va avoir tous les jeux Bethesda sur ce Game Pass. Alors, il y a quelques questions qui se posent, parce que je te vois là-bas, Adri, t'agiter. Parce que Bethesda, en fait, était un studio indépendant. Donc, ses jeux sortaient à la fois sur PC, sur Xbox et sur PlayStation, et certains sur Switch. Ouais. Du coup, la question se pose de l'exclusivité. Microsoft a plus ou moins rassuré en disant que les jeux qui étaient déjà sur multi-support resteront multi-support. Donc, ça concerne Fallout 76, ça concerne Elder Scrolls Online et tout ça. Et que dans... Pour les prochains ? Hein ? Même pour les prochains, tu penses ? Alors justement, ce que j'allais dire, c'est que d'une manière générale, tout va continuer à être multiplateforme, puisque c'était la politique de Bethesda, c'est-à-dire le plus de gens possible puissent jouer à leur jeu. Mais derrière, Microsoft se réserve le droit de prendre des exclusivités sur les futures sorties. Et la question se pose notamment sur la prochaine licence de Bethesda, qui est Starfield, qui sera un espèce de RPG comme ils savent faire, en monde ouvert, mais du coup plutôt SF dans l'espace. Donc là, peut-être qu'il sera exclusif sur Xbox et sur PC, c'est pas sûr encore. Par contre, le Elder Scrolls 6, pareil, est-ce qu'il sera exclusivité Xbox et PC ? On n'en sait rien. En tout cas, on va dire que les joueurs, les futurs possesseurs de la PS5 qui sort le mois prochain et qui sont fans de Bethesda, là, ils risquent de se ronger le frein, là, si on peut dire, quoi, tu vois. Ouais. Après, moi, je dis bravo à Microsoft, parce que depuis le début un peu du lancement de la guerre, tu sais, next-gen entre PS5 et la série X, ils arrivaient. Enfin, pour moi, la PS5 était vraiment au-dessus avec. Avec, on t'a perdu, mon pote. T'as perdu. Ouais, on l'a perdu. Le temps qu'ils reviennent, est-ce que je peux dire quelque chose ? Mais bien sûr, on est là. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que récemment, Bethesda, depuis Fallout 3 et 4 et depuis Skyrim 5. Leur jeu, ils se font un petit peu cracher dessus, quoi. Alors, donc, je pense que ça peut être... c'était ma partie suivante, j'allais y venir. Bon, parce que, effectivement, c'est bien que tu enchaînes là-dessus. Alors, leur jeu, Fallout 4, c'est pas... Ouais, ça y est, Adri, t'es revenu. Oui, bon, on t'a récupéré. Bon. Attends, vas-y, on a enchaîné juste sur un autre truc. Vas-y, t'inquiète, c'est entendu. Voilà. En fait, Fallout 4 et Skyrim, c'est pas vraiment, on va dire... c'est des jeux qui sont excellents. Mais le truc, c'est que Bethesda, il s'est affirmé dans d'une manière de développer un peu, on va dire, route, dans le sens où leurs jeux sont pas tout à fait finis quand ils sortent. Mais derrière, ils ont une communauté de modeurs qui est juste impressionnante. C'est-à-dire qu'en gros, tu joues à Skyrim maintenant ou à Fallout 4. Enfin, moi, j'y ai joué pendant des milliers d'heures chacun. Et ils ont rien à voir, les jeux auxquels je joue, avec la version vanilla, comme on pourrait dire, tu vois, ou la version achetée que tu achètes à Bethesda. Parce qu'en fait, tu as accès à tellement, tellement de modes qui modifient à la fois l'aspect graphique, à la fois le gameplay, qui corrigent même carrément des trucs que Bethesda eux-mêmes ne corrigent pas. C'est ça qui faisait un petit peu la richesse, entre guillemets, des jeux Bethesda. Sauf que sur Fallout 76, qui est la version, on va dire... Online du 4, on va dire. Vaguement MMO online de Fallout 4. Et B, ils sont partis sur la même architecture, et le problème, c'est que les mods sont pas autorisés. Ce qui fait qu'on a un jeu qui est buggé, qui est pas forcément fini. Et moi, j'y joue beaucoup, hein, Fallout 76. J'y joue encore, juste avant de faire ce podcast, j'étais dessus, hein, pour pas vous cacher. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, t'as l'impression qu'ils enlèvent le fun, qu'ils cherchent, et ça fait quand même 2 ans que le jeu presque est sorti. Donc là, c'est pour revenir à ce que tu disais au début. Est-ce que Microsoft va, tu peux avoir deux attentes. Soit genre ils mettent fin à cet amateurisme entre guillemets, au fait que ces jeux-là sont vraiment excellents mais pas finis, et que du coup, là, on a des gens, des développeurs de chez Bethesda qui vont vraiment bosser sur leur jeu. Soit, effectivement, ça arrive, mais du coup, derrière, il n'y a plus la place et ni l'ouverture à ces modes-là. Et on a des jeux qui, finalement, auront la durée de vie que, par exemple, un Witcher aurait, tu vois. Witcher, c'est pas modé, ok, il y a beaucoup à jouer, mais une fois que t'as fini, tu vois. Ouais. Skyrim, tu reprends un gameplay, tu prends des modes, t'es reparti pour 150 heures de jeu, quoi, tu vois. Ouais. Donc, après, est-ce que ça va exister encore avec Microsoft ou pas? Sais pas, par exemple, on peut prendre l'exemple de Minecraft qui a été racheté par Microsoft, ouais, et crois que les mods sont toujours accessibles dessus. Effectivement, très très bon exemple. Ouais, pourquoi il enlèverait sur du Skyrim ou sur du Fallout ou des prochains jeux à venir s'ils ont déjà la communauté derrière? Pour eux, c'est du pain béni, quoi. Oui. Même si, donc je pense pas qu'ils vont l'enlever sur ces jeux alors qu'ils l'ont gardé pour du Minecraft. Le truc, c'est que, sur Minecraft, ça existait déjà, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont acheté Mojang, mais ils ont acheté un jeu, tu vois. Oui. Il était déjà fait et tout ça. Là, ils achètent une compagnie qui développe des jeux, en ce moment, qui sont Starfield et Elder Scrolls 6. À tout moment, ils peuvent dire, non, là, les gars, stop, il n'y aura plus de mode. Enfin, on ne pourra plus faire de mode, tu vois. Oui. Les jeux qui existent déjà, OK, hein, Fallout, de toute façon, tous les Fallout sans mode, pareil, hein, tu fais une scénar et tu retouches plus, quoi. Mais avec des mods, tu fais plein de trucs. Là, maintenant, est-ce que du coup, ils vont garder cette même politique ou est-ce qu'ils vont dire, là, les mods, vous ne donnez pas les codes sources pour les modeurs, vous ne donnez plus et vous faites des jeux complets. À voir. Franchement, à voir. À mon avis. Moi, je sais que c'est des licences qui me plaisent, que je joue depuis... depuis avant que tu naisses. je continuerai à y jouer sans problème. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura plus ou moins... Enfin, est-ce qu'il y aura plus de liberté? Je pense pas. Mais du coup, est-ce que l'encadrement va faire qu'on aura des meilleurs jeux? J'attends. Ouais. Et aussi, juste pour revenir sur un dernier jeu par rapport à Bethesda, je crois que c'est aussi Ghostwire Tokyo aussi qui est paru, non? Alors, je crois que c'est c'est un de chez Zenimax, mais je suis pas sûr que ce soit Bethesda. C'est Arkham, c'est les Français, non? Non, c'est Bethesda. Parce que, c'est quasiment sûr, là, je crois que je l'ai devant moi. C'est une collab Bethesda et je sais pas qui, une autre. Je suis en train de vérifier, mais effectivement. Ça devait être une exclu PS5, et du coup, en fait, finalement. Oui. Heureusement, il reste sur PS5, mais il va sortir sur PC et Xbox par la suite. Ouais, c'est Tango Gameworks. C'est le studio qui a été fondé par Shinji Mikami, là, celui qui avait créé les Resident Evil à l'époque. Ouais. Et effectivement, ouais, il va. Alors, il n'est plus exclusivité PS5, mais il sortira quand même sur PS5. Et dans le Game Pass de Microsoft, quoi. Et je suis rassuré parce que c'est un jeu qui m'avait vachement plu ou attiré, en tout cas, lors de la première présentation des jeux de PS5. Ouais. Il m'a vraiment flashé ce jeu et du coup, je suis content qu'il reste sur PS5. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'était une grosse news. Ça... En vrai, je sais que Jeff, j'étais un peu convaincu. Le Game Pass de Microsoft, tu as un petit peu plus joué, utilisé ou... Justement, c'est ce que j'allais. C'est ce que je voulais parler. C'est vrai que moi, Xbox, je suis pas fan. Je savais que PlayStation avait lancé leur PlayStation Now qui te permettait d'avoir faire du streaming, enfin de jouer en streaming sur du cloud, serveur. Ouais. Cloud gaming. Faire ouais. du cloud, ouais, voilà. Mais c'était extrêmement cher pour ce que c'était, enfin 13 euros. Et c'est vrai que le Game Pass, il est à 4 euros par mois, ce qui est ridicule. Ouais, alors attention, il passe à partir du mois prochain à 10 euros. Ah! Ouais, ils l'ont augmenté. En fait, je me suis fait un peu avoir comme toi, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient dit 4 euros, enfin 5 euros, non, c'était 4 euros à vie. Et au final, c'était à vie pendant qu'il était à la vie de la bêta. Et donc, ça y est, maintenant, il n'est plus en bêta. Et donc, moi, j'ai reçu t'as dû recevoir aussi une notif disant que ça passait à 10 euros. En vrai, 10 euros, avec le catalogue, en vrai, il est vraiment impressionnant, hein, sans déconner. Hein. Oui, et ce n'est pas, des vieux jeux en plus, hein, parce qu'il y a tous les nouveaux jeux Microsoft, mais il y a aussi, je sais pas, là, par exemple, il y a... Crusader Kings 3, il y a tous les Master Chief Collection, enfin voilà, il y a quand même plein de jeux accessibles quoi. Justement, c'est ce que je voulais dire. Également PC ou pas? Alors oui, attends, justement Adrien, voilà. le Game Pass, moi je l'ai pris pour PC parce que tu sais que j'ai pas de Xbox à la maison. Ouais, sur PC, bon, je me suis installé quelques jeux de gestion. Comme j'ai l'habitude de faire, donc il y avait le Football Hospital. Non, attends, Two Points Hospital. Donc tu vois, déjà, c'est pas Football Manager, tu vois. Mais oui, d'accord, j'ai pris Football Manager aussi, c'est autre chose. Mais, c'est normal, voilà, t'as toujours aimé de toute façon. J'ai toujours aimé les FM, c'est un des jeux les plus vendus et le plus suivi par les fans. Un peu à la sauce FIFA, mais bon, c'est quand même un peu plus intellectuel que FIFA. Donc ils ont les Company of Heroes et ils ont sorti dernièrement le Crusader Kings 3 qui est excellent je trouve, le Flight Simulator, ils ont la Terre du Milieu, l'Ombre de la Guerre, donc le deuxième qui était un peu pourri à sa sortie, mais maintenant qu'il est sorti, qu'il y a toutes les extensions, c'est quand même assez sympathique. Donc ils ont sorti vraiment tout un tas de jeux qui est bien sympathique et non, franchement j'adhère parce que pour même si ça passe à 10 euros, ça reste raisonnable et tu as accès à tous les jeux. Là, il va y avoir le dernier Forza qui va sortir début du mois prochain sur le Xbox, sur le Game Pass. Donc ça reste quand même très avantageux et très intéressant pour les fans de jeux vidéo à moindre coût. On paye pour 10 euros, mais bon, l'avantage, c'est qu'on a accès à tout un catalogue et qu'on ne paye pas le jeu, on va dire, 70 euros et que voilà. Voilà. Donc, sachant que le jeu ne vous appartient pas, c'est-à-dire que s'il sort du catalogue, vous perdez le jeu, quoi. Mais à tout moment, vous pouvez l'acheter contre espèce sonnante et trébuchante à 100% de son prix, quoi. Ouais, mais tu vois, pour les joueurs qui jouent un peu à des jeux par-ci, par-là, machin, c'est intéressant. Ah bah carrément, surtout que t'as pas mal de trucs multi aussi. Non, moi, j'en ai téléchargé 6 de jeux et j'y joue pas à tous, quoi. Donc c'est ouais, plutôt cool, ouais. Et c'est très cool. Tout ça pour dire que voilà, ils enrichissent le catalogue façon Netflix, façon Disney, avec le Disney Plus pour proposer le maximum de jeux et miser. Pour eux, c'est. Et puis tu le vois avec les deux consoles qui sortent, Xbox et les deux consoles PlayStation, t'en as une version qui va être full dématérialisée et une version qui va être avec un bon vieux lecteur. On voit où on va, tu vois, on va de plus en plus vers le dématérialisé, quoi. Donc effectivement, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, ça laisse plus de place sur les étagères pour les comics et les mangas. Et du coup, maintenant, je vais laisser Baptiste pour sa petite news. Petite news rapide, je sais pas si vous avez vu les gars, mais le 6 octobre, on pourra avoir Baldur's Gate 3 en accès anticipé. Vous qui êtes fan de jeux de rôle, est-ce que c'est un jeu qui vous tente? Ouais. Ou pas trop? Si. Dans Baldur's Gate, quand même. Ah non, déjà, tu n'étais pas né quand Baldur's Gate 3 était sorti, d'accord? Le 3, si, j'étais né, mais le 2, je pense pas. Le 2, peut-être. C'est quelle année? Non. Le 1, non, mais le... Ah, le 2, peut-être. Donc, c'est vrai que pour tous les fans de... Ah, excuse-moi, je reprends un peu la parole, surtout à vas-y, Mathieu, vas-y. Sur ta vie. Ah non, t'as raison, hein. Voilà. Les fans des jeux de rôle, Baldur's Gate, quand même, c'est quand même les premiers jeux vidéo qui suivaient les règles de jeux de rôle. un peu à la sauce KOTOR, parce que bon, le jeu KOTOR de Star Wars suit les règles du D20, 3e, 4e édition. Baldur's Gate, ça vieillit, a commencé avec ADD 2, donc Advanced Dungeons & Dragons 2, qui était la deuxième version de D&D. Puis au fur et à mesure, ça a évolué. Et là, on va avoir un Baldur's Gate 3 qui va sortir un peu à la sauce avec du Cthulhu. Bon, ça, je m'en fous un peu. Je prends quand même. Mais avec les règles qui sont super bien de D&D 5 que j'adhère. Ouais. Que j'adhère parce que d'un point de vue jeu de rôle, hein, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, mais D&D 5 est très, très facile à manier pour des nouveaux joueurs qui ne connaissent rien du tout à l'univers. Je confirme. Voilà. Nebu peut le confirmer. Ouais, après, il y aura quelques ajustements apparemment, parce que forcément, les règles papier ne s'appliquent pas forcément en jeu vidéo. Mais ouais, ce coup, ce sera que D&D 5. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai vu ça, j'étais en mode, ah, cool. Du coup, je suis content que c'est bien pour les nouveaux joueurs, parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle. Si tu veux, D&D 5, c'est la dernière version du grand jeu Donjons et Dragons qui existe depuis Mathusalem. Mm-hmm. Et si tu veux, c'est la dernière version du jeu qui est accessible. N'importe qui fait une ou deux parties de jeu de rôle peut s'y prêter s'il est très intéressé. Adrien et moi, on a un ami en commun que Nebu connaît, donc qui a essayé le jeu de rôle avec D&D 5. Il est tombé sous le charme, il a acheté plus de bouquins que moi, il le masterise déjà. D'accord, ouais. Ok, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. Ah, il s'est chauffé de ouf, ouais. Et vous, Nebu, Adri, le jeu, ça vous tente? Ça me chauffe, ouais. Baldur's Gate 2, c'est un de mes premiers amours multigaming à l'époque où j'étais encore en 56K, où tu lançais une partie et puis t'avais tes potes qui déconnectaient ou c'est toi qui déconnectais, mais c'était quand même déjà très fun. Après, bon, comment dire ? On va dire que ce style de jeu-là, il appartient aussi au passé, hein. C'est-à-dire que c'est quand même très lourd. Comme système. En termes de roleplay, c'est super génial parce que y a plein de trucs, mais la frustration est d'autant plus grande justement, vu que c'est sur des règles de jeu de rôle, c'est vraiment pas facile, quoi. Alors, je sais que, par exemple, sur le dernier qui est sorti comme ça, là, qui était PR of Eternity, qui était vraiment bien, qui était d'ailleurs un Kickstarter à la base, ils ont mis un mode facile, en fait, ou un mode narratif entre guillemets, c'est-à-dire que tu t'emmerdes pas avec les combats, ils sont plutôt simples à passer et tu avances dans l'histoire. À voir s'ils gardent aussi le côté multi chacun joue un personnage dans l'équipe, ça peut être très très marrant aussi. C'est ça. Ils vont garder ce principe-là. Ils vont garder ce principe-là où du coup chaque personne aura un impact sur le jeu et sur la narration. C'est-à-dire que du coup, si c'est en train de faire une quête ou quoi, si t'es en train de faire une quête et que genre t'as des mecs derrière qui sont en train de faire le con et que sans faire exprès ils butent le PNJ, bon, t'es dans la merde pour continuer la quête, quoi. Franchement, ça peut être vraiment fat, quoi. Ça, j'attends de voir pour le coup en stream. S'il y a des streamers qui vont s'y mettre, ça risque d'être vraiment cool, quoi. Et sans compter que pour les streamers, il y a aussi le principe de, comme il y a vu sur Vermintide, les spectateurs peuvent influencer sur la partie aussi. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Et ouais, désolé. Et du coup, il se jouera à 4 en ligne aussi. C'est info aussi pour ceux qui. Franchement, pour le coup, tu m'as re-hypé, mais le problème, c'est que. Enfin, je le dis et je le répète, mais il y a World of Warcraft qui sort le 27, et donc je ne jouerai plus à rien d'autre pendant au moins 6 mois. Donc, voilà. Ouais, c'est un peu ça aussi. Il faut voir aussi si je vais avoir. Un peu de temps de jeu de libre. Donc, ouais, à voir. Mais ça serait fun qu'on arrive à. Quand il sortira, qu'on se fasse une game ensemble, là, qu'on streamerait, là, ça pourrait être cool. Après, ouais, moi, je suis chaud, moi. Je me dis, tu vois, se faire une petite collab, là, tous ensemble, là, à jouer ensemble, ça peut être bien marrant. D'ailleurs, je vous invite, tant qu'on parle de jeux vidéo et de streaming, à rejoindre le Twitch des Zarbros, Z-A-R-B-R-O-S. On stream du jeu vidéo avec mon frangin. Et on va streamer du WoW quand ça va sortir. Sinon, on stream pas mal d'autres jeux à la con. Donc, n'hésitez pas. Petite pub, merci Jeff. Ouais, tu feras la même chose, je suppose. Mais bien sûr. Je savais même pas que t'avais du Twitch, toi. Oh, la chaîne Occitanie Comics a une chaîne Twitch, ouais. Ah, Ah, ça peut être sympa, du coup, de se faire une soirée. À la base, Adri devait streamer pas mal et finalement, il stream pas. Et puis, bon, moi, j'ai une connexion de merde, donc je ne stream pas. Donc, voilà. Ouais, je devais streamer un peu pendant le confinement, sauf qu'en fait, le confinement, il n'a pas duré tant longtemps que ça pour moi. Et du coup. C'est pour ça, venez voir les Arbros et puis vous. Vous et du stream. Et du stream, voilà. Nickel. Alors, vite fait, Adri, c'est ton tour pour ta news pop. Non, mais non, moi j'ai plus de. Non, j'ai pas de. Ah merde! Non, mais ça, c'est notre faute, on s'est pas concerté. Donc, bon, vu que t'as pas de news, moi je vais enchaîner sur Netflix qui nous a annoncé une série Conan le Barbare. Et voilà, je sais pas si je dois avoir la hype ou pas, je sais pas ce que fait Netflix avec leur série, je sais pas, mais. Animée ou une série. Série, je pense. Ah ouais? Ah ouais. Oh, ça peut être bien fat. Hein. Un bon vieux Conan, là, franchement. Il y aura Chorzy ou pas? Ouais. Non, franchement, l'univers, il est tellement ultra, méga, méga riche. Mais que, grave. Que ça pourrait être vraiment cool. Ah, alors, à mon avis, est-ce qu'ils ne font pas ça pour essayer de concurrencer Prime Video avec Le Seigneur des Anneaux? Je ne sais pas. Et c'est ma question. Ouais, alors là, les deux, enfin. Ouais, je sais pas. Mais je pense pas. Enfin. J'ai pas appris. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment lu Conan. Donc, c'est un univers qui m'attire, mais j'ai jamais pris le temps. Mais c'est vrai qu'il y a une série qui passe sur Netflix. Je pense que je la regarderai quand même. On va voir la qualité aussi, toujours. Moi, j'ai un peu lu de comics sur Conan. Et j'ai regardé le vieux animé de Conan de l'époque. Je t'entends. Et ouais, j'aime bien. Et tout. Et voilà. qu'est-ce que quelqu'un d'autre a une news? Bah là, comme okay. Ça, non. Vas-y, Jeff, dégaine. Je suis sûr que tu en as d'autres sous le coude. Et toi, Baptiste? Bah, j'en ai quelques-unes, mais c'est plus annonce PS5, les différents jeux, tout ça. Mais allez, vas-y. Comme ça, on fait une dernière news de jeux vidéo et on passera sur une news qui est dans une galaxie lointaine, très lointaine. Cette news, je pense que beaucoup de gens le savent, mais la PS5 va bientôt sortir pour Noël avec une liste de jeux quand même assez colossale, tout particulièrement Demon's Souls, qui, je pense, a été le gros coup de cœur lors de la vidéo présentation de Sony. Et après, okay, bon, ça a hypé beaucoup de monde, Demon's Souls. Surtout qu'au début, il parlait d'un cross-platform. Ouais, d'un partenariat du coup, qui serait aussi sur ordinateur et tout, mais apparemment, il se serait trompé dans les tweets. Il serait uniquement sur PS5. Ah, ok. Donc voilà, donc vous, PS5, oui, non, pour Demon's Souls. Franchement, je suis carrément chaud. Il y a le nouveau Ratchet & Clank qui va sortir sur PS5, voilà, c'est bon, ils m'ont conquis. Bah, moi, la PS5, je suis aussi maxi impatient, mais d'un autre côté, je pense que j'attendrai l'année prochaine avant de l'acheter. De toute façon, là, elle est en rupture de stock sur les commandes, alors bon. Oui, bon, déjà, et puis c'est surtout que les premières versions pendant 6 mois sont, bah, on va dire, un peu. Il y a toujours des problèmes sur le hardware. Donc, du coup, là, j'attendrai l'année prochaine, je pense très certainement avec le Final Fantasy VII épisode 2, là, que je prendrai. Et j'espère qu'ils sortiront une jolie console aux couleurs de Final Fantasy. Yeah. Voilà. Ouais, pareil, je pense que si je dois la prendre, je ne prendrai pas la première génération. Je pense attendre peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui me tentent. Final Fantasy, God of War 2. Le God of War. God of War 2. C'est pas le 2, mais. Mais la suite, quoi. Ragnarok, quoi. Enfin, oh là là. Voilà. Après, il y a des jeux quand même qui ont l'air très très bien prévus pour 2021. Ils vont refaire le remake de Prince of Persia, qu'il y avait sur PS2 à l'époque. Ah ouais. Ils vont refaire du Blood Bowl aussi. Ils vont refaire Final Fantasy XVI aussi. Il va y avoir du Cyberpunk. Ils vont ressortir du The Witcher 3 dessus. Ils vont faire du portage un peu. Il va y avoir du Assassin's Creed qui va sortir en même temps que la console. Donc, il peut y avoir du très lourd. Ouais. Et toi, Jeffrey? Honnêtement, moi, la PS5, je vais la prendre. C'est pareil, c'est comme vous, en fait. C'est une question de temps. Alors, peut-être que moi, j'attendrai le prochain jeu Star Wars, qui ne sera pas Squadron, mais un autre, pour me prendre peut-être le pack pour collector avec Star Wars. Je pense que je ferai plus ça s'ils le font. Mais voilà. Après, j'ai la hype. Hein. De toute manière, j'ai toujours été plus Sony que Microsoft. Et non, il me tarde de l'avoir. Esthétiquement, je la trouve magnifique comme console. Mais ouais, non, là il me tarde de pouvoir la prendre parce que le prix est quand même cher. On est passé à 400€ pour la version CD. Je crois que c'était 400€ la non CD et 500 la CD, non? Ouais. Et 400 la digitale, comme ils appellent, et 500 la normale avec le lecteur CD, quoi. Ben moi j'attends de voir aussi, tu vois. Est-ce que le lecteur CD va vraiment avoir un plus par rapport... Oui, elle va avoir un plus parce que tu vas pouvoir réutiliser les jeux de PS4 sur ta PS5. Ouais. Oui. Pour le portage que le lecteur CD est intéressant. J'imagine que c'est toujours un lecteur Blu-ray. J'ai pas vu l'information dessus, mais je crois que c'est toujours... Donc ils font ça depuis la PS3, donc je vais pas pouvoir... De toute façon, il n'y a pas de nouvelle technologie. Hein, donc, Oui, voilà, ouais. Et par contre, le prix des jeux, ce qui peut refroidir certains, ils seront nommés à partir de 80€. Ouais, mais bon, voilà. Écoute, hein, je ne dirai pas. En CD, des après. Yo. Voilà, j'ai fait un peu le tour des infos que j'avais. Ouais, alors 80€, mais par contre, à savoir quand même, ça fait depuis des années qu'on n'a pas eu une augmentation sur les prix des jeux vidéo. Oui, mais normalement, ils seraient tendés, enfin, ils iront vers le bas, quoi. C'est pour ça que je pense que, enfin, normalement, ils sont censés aller vers le bas. Maintenant, les systèmes de location de jeux vidéo, là, comme le Game Pass dont on a parlé juste avant, c'est peut-être aussi pour stimuler ce genre de choses, quoi. Pour ça, les jeux sur PC, c'est bien. Il y a plein de sites tiers qui vous permettent d'acheter vos jeux à moins beaucoup de pourcents. Donc, achetez-vous un PC, ça reviendra aussi cher maintenant qu'une console et vous aurez accès à quasiment tous les mêmes jeux. Bah, tu fais des économies sur les jeux, quoi. Après, tu payes plus cher à l'achat, mais après, tu fais des économies sur les jeux, quoi. Ah oui, oui, tu les économises sur les jeux, mais tu les économises sur le hardware aussi. Enfin, ouais, je sais pas, en fait, au final... Une console, ça dure longtemps aussi, quoi. Après, voilà, après, c'est comme tout. Si tu fais que tu tombes sur une mauvaise série ou quoi, voilà, c'est comme l'ordinateur. Enfin, je sais que moi, j'ai jamais touché avec mes consoles, quoi. Après. C'est compliqué, honnêtement. C'est... Oui, c'est un débat très long, je pense. C'est un débat très long et sans fin qu'on pourrait faire en même temps qu'un débat DBS, DBGT. Justement, je suis en train de les refaire là, bientôt prêt pour le podcast. Oh merde, je suis à la bourre. La semaine prochaine. Allez, moi j'ai une news d'une future news. Il y a un des scénaristes de Rogue One et de Rebels, Gary Whitta, qui a promis sur Twitter de donner des news toutes fraîches pour le futur de la franchise. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus quand même, mais une opinion. Des opinions, c'est-à-dire. Est-ce que tu as une opinion sur cette news de news? Ben, à voir. Écoute, Star Wars, c'est Star Wars, quoi. Il n'y en a jamais trop, donc du coup, pour moi, il n'y en a jamais trop. Là, tu vois, Nebu, tu viens de me décevoir, mais d'une force terrible. Quand je te dis que c'est le scénariste de Rogue One et de Rebels qui te dit ça, tu ah sais non pas, non mais non mais oui ok mais c'est comme si tu me disais écoute il y a Peter Jackson il a dit qu'il allait faire un film ouais ok mais quoi tu vois c'est exactement la même oui c'était de la suite des aventures d'Erza quoi Inch'Allah hein Je m'attendais à ce que tu sois plus hypé, je suis déçu. Ah non, mais moi, je suis de toute façon, je veux dire, j'en ai pour mon compte pour l'instant, puisque dans un mois, on a la saison 2 de Star Wars Mandalorian qui commence, que j'attends avec très, très grande impatience. Il y a des personnages de ouf dedans, notamment Ahsoka. possiblement Sabine Wren aussi, de Rebels. Voilà, j'attends tout ça. Il y a les comics qui continuent à sortir, qui sont vraiment trop bien. Demain, nous enregistrons donc le jeudi 1er octobre et vendredi 2 octobre sort Star Wars Squadron que je risque de saigner parce que bah, il a l'air vraiment cool et ça me fait vraiment plaisir qu'on ait enfin de nouveau des jeux vidéo Star Wars bien. D'ailleurs, au passage, j'ai vu qu'il y avait une pétition qui était en train de se monter vu qu'il y a plein de remakes en ce moment, une pétition pour qu'il y ait un remake de Star Wars KOTOR. Qui est un des meilleurs jeux Star Wars, qui, si ce n'est le meilleur jeu Star Wars de l'histoire du jeu vidéo, et il fait partie d'un des meilleurs jeux vidéo de toute l'histoire du jeu vidéo. Donc, je dis oui à cette pétition, au passage. Bon, mais pour ceux qui nous écoutent, signez cette pétition. Grave, ouais. C'est tellement cool. Vous, sinon, cette news de news, quel effet ça vous fait ? Non, bah, c'est cool, hein. Pareil, Star Wars, c'est partie de mes sagas favorites de loin. Donc, après, à voir ce qu'ils vont me proposer, mais cool. Ouais, à voir aussi. J'aime bien Star Wars, j'aime pas trop ce que Disney en a fait, mais c'est vrai que j'ai bien aimé Rogue One, qui était vraiment visuellement et même scénaristiquement très cool. Après, les 3, le 7, 8, 9, j'ai un peu moins aimé, mais à voir, quoi. Ça me hype un peu, pas te mentir, mais sans plus quoi non plus. Ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est mon début. Et sur ce, je pense qu'on va arrêter cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Honnêtement, quand j'ai vu les chiffres des audiences ce matin, j'étais assez impressionné. T'as mouillé ton slip. Ouais, j'ai mouillé mon slip parce qu'il y en a comme plus de 900 personnes qui nous écoutent par mois et c'est pas mal. Ouais. Quand même. On peut faire mieux, mais là, je pense que c'est pas mal. En tout cas, cette nouvelle version me fait beaucoup plaisir et j'espère que vous allez continuer à nous écouter. Et puis voilà, j'en ai trop dit. Je vais vous souhaiter encore une fois à tous et à toutes une bonne soirée. Et à très très bientôt pour un nouveau débat comics. Bye bye. Bye, merci à tous.